chargeur. 6 dans le barillet. Fais-moi manger, donne-moi ton cœur, je vais te marier. Tellement d'ennemis, si peu d'alliés. Mais les seuls qui m'entourent sont pratiquement tous vous alliés. Soit qu'Afghanistan, 47A qu'on s'est manié. Toc, toc, toc, sombre négro sur ton palier. S'attendent devant leur écran comme des merdes, laissez saliver. Tout niqué, puis c'est niqué, c'est salité. La rumeur rend du fou, je suis fou d'elle. Je suis fou d'elle.